FSI French Revised Unit 5 Tape 5 Grammar 2 Noun markers in negative constructions Learning drills Learning drill 1 Je n'ai pas de pain Je n'ai pas de pain Nous n'avons pas Nous n'avons pas de pain. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de pain. Je ne prends pas. Je ne prends pas de pain. Elle n'a pas. Elle n'a pas de pain. Je ne vois pas. Je ne vois pas de pain. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas de pain. Nous ne demandons pas. Nous ne demandons pas de pain. Learning drill 2. Nous n'avons pas de livre. Nous n'avons pas de livre. Pas de bagages. Nous n'avons pas de bagages. Pas de place. Nous n'avons pas de place. Pas de fiche. Nous n'avons pas de fiche. Pas de billets. Nous n'avons pas de billets. Pas de couchette. Nous n'avons pas de couchette. Pas de fromage. Nous n'avons pas de fromage. Pas de gâteau. Nous n'avons pas de gâteau. Learning drill 3. Elle n'a pas d'auto. Elle n'a pas d'auto. Je n'ai pas. Je n'ai pas d'auto. Nous ne changeons pas. Nous ne changeons pas d'auto. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'auto. Je ne vois pas. Je ne vois pas d'auto. Nous ne vendons pas. Nous ne vendons pas d'auto. Nous n'assurons pas. Nous n'assurons pas d'auto. On ne loue pas. On ne loue pas d'auto. Learning drill 4. Ils n'ont pas d'auto. Ils n'ont pas d'auto. D'aspirine. Ils n'ont pas d'aspirine. D'amis. Ils n'ont pas d'amis. D'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. D'aller-retour. Ils n'ont pas d'aller-retour. D'encolure 40. Ils n'ont pas d'encolure 40. Learning drill 5. Nous n'avons pas de valise. Nous n'avons pas de valise. Place. Nous n'avons pas de place. Ticket de quai. Nous n'avons pas de ticket de quai. Bagage. Nous n'avons pas de bagage. Billet. Nous n'avons pas de billet. Sucre. Nous n'avons pas de sucre. Médicaments. Nous n'avons pas de médicaments. Salade. Nous n'avons pas de salade. Vacances. Nous n'avons pas de vacances. Nouvelles. Nous n'avons pas de nouvelles. Villa. Nous n'avons pas de villa. Livre. Nous n'avons pas de livre. Learning Drill 6. Nous n'avons pas d'hiver. Nous n'avons pas d'hiver. Été. Nous n'avons pas d'été. Automne. Nous n'avons pas d'automne. Enfant. Nous n'avons pas d'enfant. Auto. Nous n'avons pas d'auto. Ami. Nous n'avons pas d'amis. Aspirine. Nous n'avons pas d'aspirine. Aller-retour. Nous n'avons pas d'aller-retour. Practice drills. Practice drill A1. Tutor. Avez-vous une auto? Student. Non, nous n'avons pas d'auto. Avez-vous des enfants? Non, nous n'avons pas d'enfants. Avez-vous des amis? Non, nous n'avons pas d'amis. Avez-vous des allers-retours? Non, nous n'avons pas d'aller-retour. Avez-vous de l'aspirine? Non, nous n'avons pas d'aspirine. Avez-vous des après-midi libres? Non, nous n'avons pas d'après-midi libre. Avez-vous des hivers très froids? Non, nous n'avons pas d'hiver très froid. Avez-vous un ami? Non, nous n'avons pas d'amis. Avez-vous une amie? Non, nous n'avons pas d'amis. Practice drill A2. Je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Billet. Je n'ai pas de billet. Ami. Je n'ai pas d'amis. Chambre. Je n'ai pas de chambre. Auto. Je n'ai pas d'auto. Vacances. Je n'ai pas de vacances. Aspirine. Je n'ai pas d'aspirine. Monnaie. Je n'ai pas de monnaie. Practice drill A3. Tutor. Avez-vous du pain? Student. Non, je n'ai pas de pain. Avez-vous des amis? Non, je n'ai pas d'amis. Avez-vous des fruits? Non, je n'ai pas de fruits. Avez-vous un bureau? Non, je n'ai pas de bureau. Avez-vous de l'aspirine? Non, je n'ai pas d'aspirine. Avez-vous des vacances? Non, je n'ai pas de vacances. Avez-vous une auto? Non, je n'ai pas d'auto. Avez-vous de la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie. Practice drill A4. Tutor. Avez-vous des nouvelles? Student. Non, je n'ai pas de nouvelles. Achetez-vous de la viande? Non, je n'achète pas de viande. Donnez-vous des renseignements? Non, je ne donne pas de renseignements. Apportez-vous des nouvelles? Non, je n'apporte pas de nouvelles. Y a-t-il du vent? Non, il n'y a pas de vent. Y a-t-il du soleil? Non, il n'y a pas de soleil. Avez-vous des fenêtres? Non, je n'ai pas de fenêtre. Réparez-vous des chaussures? Non, je ne répare pas de chaussures. Practice drill A5. Tutor. Aimez-vous les fruits? Student. Non, je n'aime pas les fruits. Avez-vous des fruits? Non, je n'ai pas de fruits. Avez-vous une auto? Non, je n'ai pas d'auto. Avez-vous l'auto? Non, je n'ai pas l'auto. Donnez-vous les renseignements? Non, je ne donne pas les renseignements. Trouvez-vous les billets? Non, je ne trouve pas les billets. Montez-vous la valise? Non, je ne monte pas la valise. Montez-vous les bagages? Non, je ne monte pas les bagages. Louez-vous des chambres? Non, je ne loue pas de chambre. Avez-vous un manteau? Non, je n'ai pas de manteau. Y a-t-il des wagons-lits? Non, il n'y a pas de wagon-lit. Practice drill A6. Tutor. Avez-vous ma valise? Student. Non, je n'ai pas votre valise. Tutor. Avez-vous votre valise? Student. Non, je n'ai pas ma valise. Tutor. Avez-vous des valises? Student. Non, je n'ai pas de valise. Avez-vous une valise? Non, je n'ai pas de valise. Avez-vous mes valises? Non, je n'ai pas vos valises. Avez-vous des bagages? Non, je n'ai pas de bagages. Avez-vous un frère? Non, je n'ai pas de frère. Avez-vous une sœur? Non, je n'ai pas de sœur. Avez-vous des sœurs? Non, je n'ai pas de sœur. Avez-vous votre livre? Non, je n'ai pas mon livre. Avez-vous un livre? Non, je n'ai pas de livre. Avez-vous les livres? Non, je n'ai pas les livres. Avez-vous mon livre? Non, je n'ai pas votre livre. Avez-vous le livre? Non, je n'ai pas le livre. Avez-vous les livres? Non, je n'ai pas les livres. Avez-vous une auto? Non, je n'ai pas d'auto. Avez-vous l'auto? Non, je n'ai pas l'auto. Avez-vous ma place? Non, je n'ai pas votre place. Avez-vous mon billet? Non, je n'ai pas votre billet. Avez-vous une place? Non, je n'ai pas de place. Avez-vous des places? Non, je n'ai pas de place. Grammar 3. Large numbers. Learning drills. Learning drill 1. J'ai 200 francs. J'ai 200 francs. 300 francs. J'ai 300 francs. 400 francs. J'ai 400 francs. 500 francs. J'ai 500 francs. 600 francs. J'ai 600 francs. 700 francs. J'ai 700 francs. 800 francs. J'ai 800 francs. 900 francs. J'ai 900 francs. Learning drill 2. Il reste 1000 francs. Il reste 1000 francs. 2000 francs. Il reste 2000 francs. 3000 francs. Il reste 3000 francs. 10000 francs. Il reste 10000 francs. 12000 francs. Il reste 12000 francs. 70000 francs. Il reste 70000 francs. 80000 francs. Il reste 80000 francs. 40000 francs. Il reste 40000 francs. 90000 francs. Il reste 90000 francs. Learning Drill 3. Il me faut 100 000 francs. Il me faut 100 000 francs. 200 000 francs. Il me faut 200 000 francs. 800 000 francs. Il me faut 800 000 francs. 900 000 francs. Il me faut 900 000 francs. 950 000 francs. Il me faut 950 000 francs. 320 000 francs. Il me faut 320 000 francs. 320 000 francs. Il me faut 320 000 francs. 430 000 francs. Il me faut 430 000 francs. 290 000 francs. Il me faut 290 000 francs. 4. Ça coûte 1 million de francs. Ça coûte 1 million de francs. 1 milliard de francs. Ça coûte 1 milliard de francs. 1 350 000 francs. Ça coûte 1 350 000 francs. 10 970 000 francs. Ça coûte 10 970 000 francs. 100 830 000 francs. Ça coûte 100 830 000 francs. 300 250 000 francs. Ça coûte 300 250 000 francs. 8 990 000 francs. Ça coûte 8 990 000 francs. 3 345 000 francs. Ça coûte 3 345 000 francs. 4 160 000 francs. Ça coûte 4 160 000 francs. 5. Je dois 1 000 francs. Je dois 1 000 francs. 1 100 francs. Je dois 1 100 francs. 1 200 francs. Je dois 1 200 francs. 1 300 francs. Je dois 1 300 francs. 1 400 francs. Je dois 1 400 francs. 1 500 francs. Je dois 1 500 francs. 1 600 francs. Je dois 1 600 francs. 1 700 francs. Je dois 1 700 francs. 1 800 francs. Je dois 1 800 francs. 1 900 francs. Je dois 1 900 francs. Learning Drill 6. Répétez. 15. 15. 95. 95. 195. 195. 395. 395. 1395. 1395. 5395. 5395. 55395. 55395. 155395. 155395. 955395. 955395. 1 955 395. 1 955 395. 7. Répétez. 1. 1. 81. 81. 181. 181. 881. 881. 1881. 1881. 11881. 11881. 71881. 71881. 171881. 171881. 271881. 271881. 1 271881. 1 271881. 8. Répétez. 6. 6. 46. 46. 146. 146. 746. 746. 1746. 1746. 2746. 2746. 22746. 22746. 122746. 122746. 322746. 322746. 1 322746. 1 322746. This is the end of tape 5, unit 5.